allons disséquer nos vers de terre maintenant. Ouais! Tout d'abord, épinglez-le pour qu'il ne saute pas et vous blesse à l'œil. Mademoiselle Hoover! Oui, Ralph, qu'est-ce qu'il y a? Mon ver de terre est rentré dans ma bouche et je l'ai avalé. Je peux en avoir un autre? Non, Ralph, il n'y en a plus. Essaie de dormir pendant que les autres étudient. Oh, chic, dormir! C'est là où je suis le plus fort. Sont appelés gros haricots jaunes. Des questions ?